Évariste Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce samedi, de ce dimanche 5 février 2023, dont voici d'abord le sommaire. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont ordonné un cessez-le-feu immédiat pour toutes les parties en conflit en RDC. Cet appel est issu du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu ce samedi à Bujumbura, la capitale économique. Un cross-country national a été organisé ce dimanche dans la capitale économique Bujumbura. Et les meilleurs vont représenter le pays dans le cross-country mondial qui se tient en Australie le 18 février de l'année en cours. Et les éleveurs de Gitega se disent préoccupés par la hausse des prix des aliments, des animaux d'élevage. Vous aurez les détails avec Gérald Nibigira, notre correspondant sur place. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page agriculture. Les éleveurs de Gitega se disent préoccupés par la hausse des prix des aliments, des animaux d'élevage. Là, c'est comme les grains de maïs qui ont passé de 1000 francs à 1900 francs le kilo. Le son de riz ayant passé de 450 francs le kilo à 800 francs et plus. Pour mettre fin à ce problème, le ministre ayant l'élevage dans ses attributions invite les éleveurs à associer l'élevage et l'agriculture. Propos tenus ce vendredi lors d'une réunion organisée par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage à l'intention des responsables du secteur agro-pastoral et les agro-éleveurs de Gitega. De Gitega, les détails avec Jirani Vikita. Un des éleveurs de Gitega se plaint du fait que, depuis un certain temps, un kilo des aliments des lapins a passé d'une somme variant entre 750 et 1000 francs le kilo à 1500 francs le kilo. Il ajoute que c'est incompréhensible que l'aliment des porcs appelé sondori a passé d'un prix variant entre 400 et 450 francs le kilo à un prix variant entre 800 et 1000 francs le kilo. De son côté, un des éleveurs de poules de Gitega parle des grains de maïs, signifiant que le maïs est un aliment principal pour les poules. Il précise que depuis quelques mois que le prix du maïs a augmenté, beaucoup d'éleveurs de poules ont été contraints de les vendre et ceux qui les ont gardés ont connu de grandes pertes. A-t-il continué? Pour cet éleveur de poules, un kilo de grains de maïs a passé d'une somme variant entre 1000 francs et 1100 francs le kilo à 1900 francs le kilo, ce qui a impérativement occasionné des pertes énormes. Cet éleveur de poules souligne que cette hausse des prix des aliments des poules influe sur leur commercialisation au Burundi, car les produits de cet élevage, à savoir les œufs et la viande de poule, sont concurrencés par les produits d'élevage de poules venus de l'étranger, essentiellement de la Zambie et de l'Ouganda. Il explique que c'est parce que dans ces pays, les aliments de poules sont moins chers. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Sanctus Niragira, déclare que pour mettre fin à ces problèmes de hausse des prix des aliments, du volaille et des animaux d'élevage en général, il faut associer l'élevage et l'agriculture. Cela parce que l'agriculture produirait les aliments dont les poules et les animaux d'élevage ont besoin. Et ces derniers produiraient du fumier qui est indispensable pour l'agriculture. Cela étant, dans des coopératives d'élevage de Gitega, il existe plusieurs poules non vendues faute de marché et pèsent déjà 8 kilos chacune. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Merci à Gérard Nivigila pour tous ces détails. C'est ce lundi que les Burundais vont célébrer le 32e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Mais la divergence d'opinion est toujours observée sur cette charte du 5 février 1992. Certains des habitants de la province Kayanza disent que l'unité nationale au Burundi n'est pas totalement consolidée à cause de certaines irrégularités, parmi lesquelles ses habitants citent le favoritisme quant à l'octroi de l'emploi, surtout chez les jeunes, et le sabotage des activités de certains partis politiques qui se fait souvent remarquer. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons sport à présent. 150 athlètes venus de tous les coins du pays s'affrontent ce dimanche dans le cross-country à Bujumbura, la capitale économique. Ambassadeur Dieudonné Kwizera, président de la Fédération burundaise d'athlétisme, fait savoir que les meilleurs athlètes vont représenter le Burundi dans les compétitions internationales de cross-country qui se dérouleront en Australie en date 18 du mois en cours. Suivez-le, il est au micro de Jean-Marie Vianney Ngedakouman. C'est une compétition qui clôture l'année au niveau des compétitions de cross-country, comme je viens de le dire. Je n'ai pas le nombre exact, mais je pense que c'est autour de 150 qui sont venus d'un peu partout dans notre pays. Bon, comme vous le savez, il y a toujours un objectif. Comme le cross-country se clôture, on va commencer une saison sur piste. Alors, les meilleurs, comme vous le savez, cette année, il y a le championnat du monde de cross-country qui va se dérouler ce mois même, le 18, en Australie. Donc, les meilleurs de notre pays vont nous représenter lors de ces championnats du monde de cross-country. À titre illustratif, j'aimerais dire que l'athlétisme burundais occupe la 5e place au niveau mondial lors des championnats du monde de cross-country. Et cette année, il y a un peu une amélioration parce que Francine Niyonsaba, comme vous le savez, va participer aussi dans ces championnats du monde de cross-country. Et ça sera la première fois que Francine participe dans ce genre de compétition. Et nous espérons que peut-être Francine pourra peut-être monter sur le podium. Et comme vous le savez, on classe les 5 meilleurs au niveau individuel, mais au niveau des équipes, on classe c'est les 8 meilleurs. Et la place que nous avons ici au Burundi, c'est la 5e place. Et nous espérons que peut-être on pourra peut-être améliorer cette 5e place ou alors la maintenir tout au moins. Et quel appel assez aux athlètes en général et aux amateurs de ce sport en particulier? À part que le sport est une bonne chose pour la santé, à part qu'un sportif est toujours gay, un sportif a toujours en bonne humeur, le sport peut permettre aux jeunes athlètes d'avoir une opportunité d'aller faire ses études à l'étranger comme je l'ai fait moi-même. C'est grâce à ce sport que j'ai pu aller aux États-Unis et faire mes études. Mais non seulement ça, le sport te permet de voyager, et te permet de connaître le monde. Mais en plus de cela, ça peut être une source de revenus. Je pense que Francine est un exemple palpable. Vous voyez la vie qu'elle a, c'est grâce à ce sport. C'était la Dieudonné Kwizera, le président de la Fédération d'athlétisme du Burundi. Rendons-nous au sud du pays pour parler société, critique du Premier ministre et de certaines activités, à l'instar de la vente du maïs grillé, car cela ne peut pas faire vivre les familles. Il demande à la population en général de s'atteler aux activités productives en cultivant le sol. Et aux jeunes en particulier de ne pas se précipiter vers les villes. Il a dit lors de la réunion de ce vendredi qu'il a tenu à l'endroit des administratifs et des habitants de la province Makamba, au moment où il a été sorti très récemment le communiqué interdisant la vente des épis de maïs et du maïs grillé par le gouverneur de la province Makamba. Le détail avec Élisée Cuisine depuis Makamba. La population est interpellée de s'atteler aux activités productives en cultivant le sol. C'est le propos du Premier ministre Gervais Ndilakowicha lors de la réunion qu'il a animée ce vendredi à l'intention des administratifs et des habitants de la province Makamba. Il lance un appel aux jeunes de s'intéresser à l'agriculture au lieu de se précipiter vers les villes pour exercer les métiers de taxi, vélo ou moto, car si ce comportement persiste et réserve le travail aux personnes de l'âge avancé, il est impossible d'atteindre l'objectif de l'État burundais selon lequel chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent. De plus, son ministre décourage le comportement adopté par certains des habitants de vendre de maïs grillé, car quant à lui, il ne s'agit pas de l'activité qui puisse faire vivre les familles. Signalons qu'il l'a annoncé au moment où il y a déjà le communiqué sorti le premier du mois courant par le gouverneur de la province Makamba, François Ngozirazana, selon lequel la vente du maïs grillé et des épis de maïs est interdite pour sauvegarder la récolte du maïs et lutter contre le vol dans les champs. Depuis Makamba, Élisée Kwizera pour la radio Isanganiro. Merci à Élisée Cuisera pour tous ces détails depuis Makamba. Je vous le disais en titre, le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est a ordonné un cessez-le-feu immédiat pour toutes les parties en conflit en RDC. Ils ont également ordonné aux chefs de force de la défense de se réunir dans un délai d'une semaine pour fixer de nouveaux délais pour le retrait. Annonce faite par le secrétaire général de l'EAC, Peter Matuki, lors de la lecture des recommandations issues du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC ce samedi à Bujumbura. Les détails avec Ornella Mucho qui a couvert pour nous ce sommet extraordinaire entre les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le sommet extraordinaire de 6 chefs d'État d'Afrique de l'Est, plus un ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudan, qui s'est tenu à Bujumbura, au Burundi, en présentiel, au bureau des chefs de l'État, a commencé vers 13h et a duré à peu près 5h. Ces chefs d'État se sont penchés sur la situation sécuritaire en RDC. Ces derniers ont recommandé que les chefs de défense de ces pays doivent se réunir dans une semaine pour des questions d'ordre militaire. Le secrétaire général de l'EAC, Peter Matuki, qui a lu le communiqué final, a indiqué également qu'il a été recommandé aux pays contributeurs de troupes le déploiement immédiat de ces troupes. Le sommet a trouvé que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est une question régionale qui ne peut être durement résolue que par un processus politique. Le sommet a en outre trouvé la nécessité d'un dialogue renforcé entre toutes les parties. Les chefs d'État ont recommandé un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties. Les chefs d'État ont recommandé aussi le retrait immédiat des groupes armés étrangers et aux différentes forces de se rencontrer dans un délai d'une semaine à cette fin. Ce processus doit être accompagné d'un dialogue. Les violations doivent être signalées au président du sommet pour des consultations immédiates avec les membres de la communauté. Immediately to the chairperson of the summit for immediate consultations with members of the summit. Les chefs d'État ont appelé à toutes les parties à respecter et à mettre en œuvre les décisions du sommet et les obligations convenues lors des réunions précédentes des chefs d'État. Ces réunions extraordinaires et ordinaires de chefs d'État de l'EAC sur la sécurité de la RDC, tenues plus de 2 fois, sont organisées après que la tension entre la RDC et le Rwanda, après que le groupe armé M23 ait repris les activités militaires en 2022. À la fin de cette réunion, convoquée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, en même temps président de l'EAC, il a donné une audience à son homologue rwandais Paul Kagame après plus de 10 ans sans visiter le Burundi. Merci à Ornella Mucho pour tous ces détails et une courte pause. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Cap sur Bubanza, où les habitants de la commune Gihanga, dans cette province de l'ouest du pays, se lamentent des prix très élevés du charbon et du bois de chauffage suite à la diminution des arbres. Ils demandent aux autorités de trouver solution à ce problème. De son côté, le responsable communal est chargé de la protection de l'environnement tranquillise et précise que plus de 40 000 plants d'espèces différentes vont être plantés dans cette localité. L'homme signale de l'autre côté de la vitrine quel élément n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir dans notre édition de 18h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont ordonné un cessez-le-feu immédiat pour toutes les parties en conflit en RDC. Cet appel est issu du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu ce samedi à Bujumbura, la capitale économique. Un cross-country national a été organisé ce dimanche dans la capitale économique Bujumbura et les meilleurs vont représenter le pays dans le cross-country mondial qui se tient en Australie le 18 février de l'année en cours. que les éleveurs de Gitega se disent préoccupés par la hausse des prix des aliments des animaux d'élevage, comme notre correspondant nous a fait le point à partir de Gitega. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Innocent Ibonimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Ndikomanyanga. Bonne suite de programme sur Sanganitu.